بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تم دمجن أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. Donc hier on avait pris une petite partie du cours, la partie B. On avait vu trois choses. Yani Aina, Hua, Wahia. Qui c'est qui peut nous rappeler Est-ce que c'est Aina déjà? C'est Ismaël. Istifhal. عن المكان. يعني تسأل عن المكان. لما تقول مثلا أين محمد؟ أي تجهل أين هو؟ يعني في المكان. تجهل المكان الذي هو فيه. فتسأل فتقول أين. تمام؟ حتى تعرف المكان الذي هو فيه. تمام؟ دونك اسم. يعني كما أنا دي أين لها معاني. تمام؟ لها معاني كثيرة. ومنها الاستفهامية عن المكان. Le fait que tu t'interroges sur l'endroit où il est, il y a la personne donc, dont tu poses la question. وهو ضمير منفصل مفرد للمفرد الغائب. تمام، يعني سي ان برونون بيرسونيل، يعني كي منفصل كي باتاشي او مو سانغولير pour la personne qui est absente. Mais comme on a pu le dire, c'est une qaïda. حتى يعني si vous avez hier dans نعم dans tafsir Ibn Kathir, pareil, il a utilisé, il a dit huwa, je ne sais plus pourquoi il avait dit ra'ib, lil ra'ib. En gros, c'est une qa'ida. Yani, il est utilisé pour la personne qui n'est pas présente. Lorsque je dis huwa, il. Mais comme on a dit, c'est pas, ça ne souffre pas, yani, que cette qa'ida-là, elle ne souffre pas d'exception. Yani. Il peut y avoir, à un certain moment, où tu parles d'une personne qui est présente. Tu parles en. Yani, parce qu'en vérité, quand tu parles en sa place, c'est comme s'il n'était pas là. Peut-être aussi ça, tu vois. Mais tu dis « Hua » alors qu'il est présent, tu vois. La personne un peu « Abbar Annafsi », il peut s'exprimer lui-même. Mais toi, le fait que tu prennes la parole pour lui, c'est comme s'il n'était pas là. Ça, tu dis « Hua » kada kada, c'est comme s'il n'était pas là. Yani, ça peut être yani, « Lil-ra'ib »« Haqiqiyan », c'est-à-dire « Véritablement, il est absent » ou « Ma'nawiyan » ou « Fil-ma'na ». Il est dans le sens qui est comme s'il était yani, absent. Yani, « Wallah alam », c'est plutôt yani, dans ce sens-là. Yani, « Ma'nawiyan » ou « Haqiqiyan ». Yani, véritablement, ou, يعني dans le sens où il est يعني absent كذلك. وهي نفسه بس للمفردة c'est-à-dire المفردة الغائبة يعني pour la personne qui est voilà féminin et qui est absente. تمام. غني الإمام غني. لو قلت التاجر أحسن. لأن الإمام c'est plus الزهادة. تمام، ce qui conduit qui préside la salat et tout ça, c'est des gens qui sont plus يعني loin de la dunya. الإمام غني صحيح، il peut être غني ça n'empêche pas. Donc inshallah on poursuit. Le vocabulaire il est compris là parce que en fait c'est vrai que البيت البيت ما هو البيت؟ maison. C'est pour ça يعني des fois regardez il met pas le كلمة الجديدة. Tu vois, c'est pour ça que moi, qu'est-ce que je vous ai dit, prenez un deftar, prenez un petit calepin, un truc comme ça, pour mettre le nouveau vocabulaire. Là, parce que des fois. Non, la 4, maintenant. Le numéro 4, il l'a pas mis. Voilà. Le numéro 4, il ne la met pas. Du moins, c'est pas écrit là, donc il faut faire attention. Ah, si, il est là. Ah, le, tiens, il a, le frère, il a récapitulé, celui qui a fait le, qui a fait le temps. Ah, mais dans celui-là, des fois, il ne récapitule pas le vocabulaire, tu vois. Donc il faut faire attention par rapport à ça. C'est pour ça que je lui ai dit, prendre un calepin. C'est pas du gros vocabulaire. Ouais, maintenant, as-sabun. C'est quoi, sabun? C'est savon. Al-dhufr. Al-dhufr. Ah, c'est long. Ah, c'est long. Ouais. Al-ka'ba, ma'arouf. Al-Ka'ba, c'est la pierre noire. Enfin, c'est plutôt la maison. Ouais. C'est le cube, en réalité. Al-Ka'ba, c'est le cube. Al-Ras, ma'arouf, la tête. Al-Bayt, ma'arouf, la maison. Al-Dik, le coq. Al-Mudarris, Al-Bab, ma'arouf. Al-Talib, ma'arouf. Al-Sukkar, ma'arouf. Al-Daftaru, le cahier. Al-Akh, ma'arouf. Al-Rasoul, ma'arouf. Al-Wajh, ma'arouf. Al-Wajh. Al-Visage. الصديق لا الصديق الصديق لامي كما هذا القرآن معروف الصلاة معروف الكعبة معروف الرأس الإصبع الإصبع ثقة الإصبع الإصبع الإصبع سي لدوا لدوا لدوا الإصبع الإصبع الإصبع بالصاد الإصبع إص إص صاد الى يعني فسكم الاصبع الاصبع الصابون هنا دي صابون الظفر هنا دي لونج ظفر الفجر معروف لوب الظهر العصر المغرب والعشاء الاصبع الاصبع لدوا الاصابع لدوا تمام. Donc là, on passe à un nouveau truc, ou plutôt de nouvelles notions. Le petit alif. Il nous dit Muhammadun Aminatu Khalidun Zainabu Hamidun Fatimatu Yasir ou Yasirun Maryamu عمار عائشة سعيد خديجة علي صفية عباس رقية تمام. Tous les noms qui ont été évoqués ici, c'est des pronoms, ou c'est plutôt des noms. تمام. العالم. Comme on a pu voir, Al-Alam, c'est un or, ou plutôt, je vous ai fait une petite chara, que Al-Alam, c'est un or, min anwar al-ma'arif. C'est une catégorie parmi les catégories des noms qui sont définis. Nour'un min anwar al-ma'arif. On a pu voir, la première chose qu'on a pu voir pour définir une chose, c'est Al. La kadalika, si tu veux définir une chose, le fait que tu le nommes, ça devient défini. Le fait que tu nommes cette personne-là, ça devient défini. Mathalan, les noms propres, comme il dit. Al-Alam, c'est les noms propres. Le fait que la personne que tu l'appelles, مثلاً, Sami, khalas. On sait c'est qui. Donc il est défini. Et il nous fait montrer aussi dans la leçon qu'il y a une particularité par rapport au nom propre qui est féminin. Le nom propre qui est féminin, il ne prend pas de tanwin. Comme vous avez pu le voir, Aminatou. Il n'a pas dit Aminatoun. Aminatou. Zainabou. Fatimatou. Et le mu'allif, il a chaque cal. C'est-à-dire qu'il a. Il a ramené, il y en a plusieurs genres d'exemples. Il a ramené, comment on appelle ça, al-mu'annath al-haqiqi. Là, plutôt al-mu'annath al-lafzi ou al-mu'annath al-ma'nawi. C'est quoi le mu'annath al-lafzi? C'est celui qui est féminin dans le genre et kazalika dans la prononciation. Parce que, comme vous allez le voir, inshallah, tout ce qui se finit par une thème marbouta n'est pas féminin forcément, mais il est féminin dans le lafz. Oralement. مثلا Hamzatu, c'est pas une femme. C'est pas un genre masculin, je veux dire féminin. Mais dans l'ordre, dans la prononciation, c'est féminin. Pourquoi? Parce qu'il se finit par un T marbota. Il prend un T marbota, donc il prend le même hukm que si jamais il était féminin. Parce qu'on dit Hamzatu, on ne dit pas Hamzatun. Donc là, vous avez pu le voir, il vous a mis des féminins, yani ma'na ou lafzan, c'est-à-dire dans le sens et dans la prononciation, et des féminins qui sont quoi? Ma'na, fil ma'na, la fil lafz, Zainab. Fil lafz, il n'est pas féminin, fil lafz, yani au niveau de la prononciation. Mais dans le ma'na, Zainab, c'est une femme. Donc, Inch'Allah, on va faire un récapitulatif. On va commencer donc la leçon là sur les noms propres. Al-Alam. Al-Alam, c'est quoi sa ma'na en français? Les noms propres. Hein? Noms propres. Al-Alam. J'ai dit, huwa nou'un min anwa' al-ma'arif. C'est une catégorie, nou'. Parmi les catégories, c'est le pluriel de nou'. Anwa', c'est le pluriel de nou'. Catégorie, parmi les catégories, des ma'arif, des choses qui sont définies. تمام وهو اعرف من المعرف بال et il est plus défini que celui qui est défini par al. Maintenant lorsque tu dis hein voilà le nom le plus défini que maintenant al bayt ou je veux dire نعم al bayt c'est معروف c'est défini mais le fait que tu dis Muhammad c'est plus défini beaucoup plus défini ou maintenant tu vas dire ar-rajul ar-rajul c'est défini ça c'est une personne bien particulière tu es en train de parler تمام ar-rajul il est défini. Mais si tu dis maintenant Muhammadun, c'est encore plus défini. Hein? Parce que Ar-Rajul, ça peut être Yasir, ça peut être Ila Khiri. Ama Muhammad, c'est Muhammad. Ar-Rajul bin Ar-Rijal, ou Ismuhu Muhammad. Maintenant, tu vas dire Ar-Rajul. Tu es en train de démontrer la personne qui est en train de passer. Donc, il est bien défini. C'est pas la personne. Voilà, c'est bien, il est bien défini. Mais j'ignore son prénom. Le fait que tu dis Muhammadun, on sait que c'est encore beaucoup plus défini parce que tu sais que c'est un homme et en plus tu as son prénom. Donc c'est plus défini que quoi? Que le fait que tu définisses une chose par elle. Ar-Rajul, c'est moins défini que Muhammadun. Ça le ma'na. Quand je dis wa huwa a'rafu min al-mu'arraf bi al, il est plus défini que le nom qui est défini par elle. Voilà. Octopo. C'est un frère qui m'a demandé. Au début, je dis vas-y, c'est bon. Pas de problème. Elle m'a dit non, mais c'est important parce qu'il y a un petit Talbis. Il fait comme si lui, il sait qu'il est dans les rares, frère, tu vois. C'est le frère de Douré. Il m'a dit, tu sais qu'il est dans les rares, tu vois. Parce qu'il est pas. Comme si jamais il fait la personne comme si elle était sortie la tête haute, tu vois ce que je veux dire. Il y a des mots à la fête dans ce qu'il a fait, tu vois. Déjà, Aslan est rentré dans une Jamaïa. Et il essaye, tu vois. Hein? Il essaye, il essaye. Il a de l'âge, frère. Deux ans. Ensuite, il y a eu le même Hatan Fatwa de Cheikh Abu Amr. Pour ça, tu vois. Du palmier par rapport au palmier, tu vois. Kadaleka, la personne qui était toi, comment ça fait, il agrée d'être sous la responsabilité d'une personne que lui-même est qualifié, qu'il n'est pas apte à être responsable. Tu vois. Et Kadaleka, il fait la personne qui sort la tête haute, alors qu'il s'était viré. Ah ouais. Non, il justifie qu'il s'était viré, tu vois. Justifie. Non, cache-toi, scoute. Oh, scoute. Il justifie quoi? Il veut faire passer comme si jamais vraiment, en gros. Il s'est plus. Mais pourquoi je me suis viré? Parce que bon, apparemment, ils ont menti aussi. Ils ont caché, ils ont menti. Je suis toujours bien un coup. Et à un moment, il débrouille la fête, tu vois. Il sait qu'il y a un sac de la personne. Toi, tu peux rester avec une personne si jamais toi, t'as l'espoir de la personne. Qui va bien se conduire après tout ce que tu as. Mais lui, il dit de lui-même. À chaque fois, je fais nasiha, ça s'aggrave. Ça s'empire. Tu vois, à partir du moment où. Barkal est venu, Abdullah Moraf, parce qu'il a conseillé quelqu'un de sa famille, qui lui a lancé le lance-pierre. Il l'a conseillé une fois. Il a revenu, il a recommencé. C'était le marzir. Il a dit, oh Allah, là où il manquait, abed. Il dit, en gros, je te ramène, un nabi, ça. Et toi, tu donnes encore après le nosre. Il rigolait pas. Marsiya, si jamais tu vois que la personne a. Matastakim, khalas. Khala ala sha'ani, tu vois. Il lui a voulu faire le mec, en gros. Dès que j'ai vu ça, bon, j'ai préféré ne plus faire les conférences. Non, vraiment, tu prends tes affaires. Il a délaissé le masque. Et lui, il a fait non, en gros, je fais plus de conférences, mais je continue à faire les conférences. Ouais, quand il faisait les cours, je fais plus de conférences, on appelle. Tu vois, en gros, je me suis écarté de vous, je ne fais plus de conférence. Non, c'est pas partiellement le... l'écartement. Tu t'écartes, soit tu restes. Il n'y a pas de... un pied là, un pied là. Ah, c'est-à-dire. Il est parti chercher son salaire à la fin. On va encore entrer dans l'attention. Moi, le truc, je vais montrer au frère que là, il n'a pas sorti la tête autre, aux personnes qui m'ont demandé. Tu vois. Je vais leur dire, il y a des mouras à la fat, il y a que des... Parce que la personne, elle peut croire que ce qu'il a fait, là, si jamais ça arrive à une autre personne, il a le droit de le faire. Tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il est pris comme exemple, un peu en France. Tu vois. Donc, on va montrer que sa conduite qu'il a eue, il ne faut pas la prendre. Il ne faut pas la prendre. Non, non, parce qu'il a dit. Il a dit, il a un sahar, tu vois. Mais il savait que c'était un darar alayhi. Parce que lui, se cache sous Wasir al-Abbas. En gros, j'ai pris la conseil de Wasir al-Abbas. Mais ça n'a rien à voir, ça. Et ouais, et Sanyan, tu savais déjà que toi, t'étais. Ça allait te nuire, tu vois ce que je veux dire. Ça allait te nuire. Moi, des fois, un rad, il vient, il fait une fatour, tu vois qu'il n'est pas bon, tu. Non, mais s'en fout de lui. C'est un rabbin, pourquoi c'est un rabbin? Ah non, mais lui, c'est un rabbin, parce qu'il m'a dit, moi, j'aime pas les Oslo Yémen, j'aime pas le style Yémen. Ça, j'étais à demain. Il voulait mettre une disquette, je lui ai dit. Parce qu'il mettait des disquettes. Il voulait mettre des disquettes, hein? Bien sûr. Ah, ça, c'était au Yémen, tu vois. Non, si jamais on venait à parler sur lui, là, c'est. Ben, moi, je vais parler 20 minutes, tu vois, si il parle 20 minutes, on va parler plus. Mais sinon, lui, le frère qu'il connaît bien, c'est mon Kamel. Non, Kamel. Il connaît bien, tu vois, Kamel. Et il a fait un reste sur lui, je sais plus quoi, 120 pages. Yézid Azadar al-Fan. En gros, comprenez ce que je veux dire. Il a dakhala al. Ala al-alam. Fa innahu la yazid wa lahu ta'rifan. Le fait qu'il ait rentré le al dans alam, dans ce nom-là, son nom propre. Ça lui rajoute rien au niveau de ce. Ça va pas faire de lui qu'il sera plus défini. Parce qu'il est déjà défini. Tamam. Ça ne le rajoute pas. Mohamed, tu l'appelles comme ça, comme tu veux. Mais le fait que tu dis elle, parce que personne, ils peuvent comprendre que elle Hassan, c'est plus défini que Hassan. Ah ouais. Cet alif-là, là, ou bien le elle, il est za'ida. Mais il fait d'abord dans l'arabe de dire elle. C'est un plus. C'est juste, ils l'ont rajouté pour rappeler une personne Al-Hassan. Mais il y a une faïda, hein. Par exemple, quand tu es dans l'éloquence de dire Al-Hassan. À moins que tu veux dire, Masalan, tu veux dire Masalan, Al-Hassan, Mila Al-Hassan. Un Hassan parmi les Hassan. Là, le fait que tu as dit parmi les Hassan, c'est comme si tu avais dit, tu as mis Al-Hassan et Nakira. Indéfini. Al-Hassan parmi les Hassan. Non. Là, tu l'as défini. Dans le sens où tu as voulu dire un Hassan, le Hassan parmi les Hassan. Mais sinon, quand tu dis Al-Hassan, le prénom, le Al, il ne faut pas comprendre que c'est le même Al qui est dans Al-Bayt. Rappelez-vous, comme on a dit, Al, si jamais il rentre, dans le nom, il a rendu défini, c'est qu'avant, il était indéfini. Amala, il est défini Hassan. Quand tu rajoutes Al-Hassan, ça rentre rien. Tu l'appelles Zaïda. C'est une qa'da, mettez-la-vous dans la tête. Si tu vois Al-Hassan, c'est pas. Le Al, tu ne vas pas l'appeler, tu ne l'appelles pas Al-Tarif. La Al de définition, l'article défini, tu ne l'appelles pas comme ça. Tu l'appelles Al-Zaïda. C'est ce qui a été rajouté en plus. Ça va ? La personne, elle part dans une terre de musulmans, elle fait la Hijra, et en même temps pour Tarabi'im. Ou la personne qui fait Nia juste Tarabi'im, elle retourne en terre de Kouf. Même après, avec le Hijra, comme quoi que c'est fard de rester. Mais pourquoi retourne dans le Belad al-Kouf aussi ? Hein ? Pourquoi retourne dans le Belad al-Kouf ? Elle est très bidon, elle est très bidon. Ah. C'est quoi le pire ? Le gars qui retourne, qui avait. Parce que le tatbiq al-Hijra, même awwal ma, yani, il étudie, c'est l'étudier l'aqida. Et dans l'aqida, il y a le wala wal bara. Ah ouais. Tu vois? Et le wala wal bara, c'est pas forcément, ça se limite pas forcément simplement à ce que tu le détestes et lui il déteste, tu vois? Enfin plutôt que tu le détestes toi, tu vois? Pour Allah Azza wa Jalla. Ouais. Il faut que tu le détestes, que tu t'écartes de lui, que tu kata kata, tu vois? Tu vis pas avec eux. Allah subhanahu wa dit walam yakum min al-mushrikin, yani fi Ibrahim. Il était pas avec les mushrikin, il dit là avec eux, tu vois? Il visait pas avec eux. C'est-à-dire que le muwahhid, la première des choses, surtout les kuffars, c'est eux que tu dois les détester en premier. Parce qu'il y en a maïavou dans Noir. Donc le fait que déjà toi tu reviens avec cette science-là, il suffit que tu reviens juste avec ta fille au son de Salafa. Mais tu dis ouais, j'ai pas mis la mienne Non mais t'as mis, non mais t'as étudié ou pas? Au salat, au salat, c'est tadbiq al-ilm, frère. Tu vois? C'est-à-dire que toi, tu dois t'écarter de. Si jamais tu reviens, t'as pas de, même si t'as pas mis la hijra, t'as pas mis la niya, pourquoi tu reviens? Alors que tu sais que c'est un truc, il y en a que toi normalement, parce que le fait que tu vas avec eux, ça va. Peut-être que à force, moi, j'avais ma voisine, elle faisait pas salat, frère. Tu vois? Elle descendait des plats et tout. Après, toi, il... pas un amour, mais tu commences, il y a une petite amitié, je veux dire, dans le sens où tu commences un peu à la respecter, tu vois. Non, mais mal salé, Yasla, tu vois. Normalement, il faut que le fait que tu restes avec eux, tu vois, ton cœur, l'Inkar, il est plus là, tu vois. Il diminue, il diminue. Après, diminue. Et c'est dur, tu vois. Bah ouais, c'est-à-dire que rester là-bas, c'est. Pour ceux qui ont la coudra de partir, il doit partir. Et celui qui a la coudra de. Qui peut, y en est, je veux dire, qu'il n'a pas d'autre. Il a pas de besoin de revenir, on revient pas. Pourquoi il va revenir? À moins que Mélanie Ziyara, il va voir sa famille, il revient, tu vois. Mais tu restes encore avec eux. Tu pars de celui qui a Mélanie, juste à la Bélanie, tu vois. Il fait une Ziyara, il va voir sa famille, il revient. Ça, là, tu vois. Mais celui qui reste comme ça, là, non. Mais je veux dire, c'est quoi le pire? La personne qui a fait la hijra, qui connaît le hukm, tu vois. Et qui l'a une, et tu vois, mais qui revient en France. Et ça, c'est chaud, ça, moi. Ouais, mais ouais. Il reconnaît sa khata. Mais la personne qui dit, moi, j'ai pas mis la niya de faire la hijra, il est venu, tout ça. C'est quoi le pire dans tout ça? Bah, déjà, les deux, ils sont. Les deux, c'est sûr. Genre. Ouais. Mais c'est quoi le gars, on dirait, il veut esquiver, tu vois. Il dit, ouais, j'ai pas mis. Tu vois ce que tu veux me dire. Alors, qui c'est qu'il est obligé, qu'il a la kudra, tout ça, tu vois. Ah, mais d'awa, hatta, il dit, chir. Attachir, il y en a un chir à l'Albanie, tu vois, il dit, parce qu'il y en a qui ont posé la question, c'était des Américains, je crois, des Syriens qui sont en Amérique. Il dit, est-ce qu'on peut rester en Amérique pour faire da'wa, tu vois? Il dit, da'wa, c'est pas quelqu'un qui est venu qui a un peu de l'obérim, tu vois, il dit, c'est vraiment quelqu'un, un alim, tu vois, qui revient et qui se pose là-bas. C'est-à-dire que, il y en a, pourquoi il dit ça, alim? Parce qu'il y en a énormément, khashatillah. Parce que ça suffit pas que t'as l'ilm. Il faut que t'as aussi le ilm, alladhi yanfa'uk. C'est-à-dire que, ash-shubuhat wa shahawat. Tu vois, parce que tu vis avec en terre de coffre, tu vois. Les shubuhat, les shahawat, à ce moment-là, tu vois, tu peux vite glisser. Il faut que tu as vraiment cette chose qui va te préserver, tu vois. Cette chose qui va te préserver, tu vois. C'est pas suffisant d'avoir juste le ilm de connaissance. Il faut avoir aussi kazalika, le wara, le taqwa, tu vois. Après, la rana dit, c'est quelqu'un, yani, il faut qu'il y ait un takat, le hawala, tu vois. Que les gens se réunissent autour de lui, yani, vraiment qu'on sente, il y a un da'wa, tu vois. Matalan, c'est quelqu'un, il dit, je vais faire da'wa, je retourne en France ou bien dans un pays étranger. Alors que le ham, en terre de coffre, il fait des bouhouf en terre de coffre. On dit, prends, viens ici, et fais tes bouhouf en terre d'islam. T'as pas de da'wa là, tu vois, il va pas mentir, je suis en train de faire da'wa en bouge, abhad, je te recherche. Tu peux rester là, c'est pour ça que c'est ni'ma internet. C'est que, alhamdoulilah, hatta ce qu'il veut avec le truc de da'wa là, ce qu'il veut, et ce qu'il veut par le petit kwanza da'wa, tu dis, putain, voilà, ouvre-toi internet, va de t'es obligé d'en ramener ta race, non? Assieds-toi, chez toi, t'es en terre islam, tranquille, alhamdoulilah, avec des frères, t'entends l'adhan, tu vois des frères, t'as l'islam, t'es préservé, inch'Allah, y'en a de beaucoup de choubos de shahwat, toi. Reste ici. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est plus qu'esquive avec certains, ils font, tu vois. C'est possible. Après, c'est les intentions, tu vois. Il veut dire, ouais, mais arrive, moi, je parle avec un jour en Égypte, il m'a dit ça. Je lui ai dit, mais tu vas rester en Égypte. Il m'a dit, non, j'ai mis juste la mienne dans le mail. Tu vois le délire? Ça veut dire que par ce biais-là, si on est en France, il n'est pas pêcheur comme. Ouais, c'est clair, ouais. Mais le truc, c'est que. La khatar. Parce que normalement, c'est. Tadbiq al-ilm. Al-tawhid. Yamna'a que tu reviens. Donc là, après, on a vu dans la leçon, c'est qu'il a évoqué des noms propres féminins. Noms propres féminins, tu dis comme ça. Al-alam al-mu'annath. Al-alam al-mu'annath. Ça, moi, j'ai dit Yamqasimu et la qismain. Il est divisé en deux. T'as l'alam, donc, l'avdi ma'nawi. Qu'est-ce que ça, j'entends par là dans l'avdi ma'nawi? Des noms comme, mathalan, Amina, Aisha. Tous ces noms-là, c'est des noms, mu'annath, l'avdi ma'nawi. Qu'est-ce que j'entends par là? Ma'nawi, parce que ce nom-là, il est employé par quoi? Pour des femmes. Donc c'est dans le sens, le sens de Aïcha, c'est employé pour une femme. Et l'avdi, pourquoi? Parce que la terminaison se finit par un terme marbouta. Et terme marbouta, c'est une lettre qui est khas pour les noms féminins. Comment ça s'appelle? Ah ouais, mais tu vois, le terme marbouta, là, c'est féminin. C'est féminin, c'est ça, c'est vraiment une qaïda? Non, c'est pas une qaïda. C'est-à-dire que cette halama, c'est terme marbouta, c'est utilisé pour le féminin. Mais tu peux trouver des mots qui se terminent par temarbota, mais qui ne sont pas féminins. Ah ouais, ben... Qui ne sont pas féminins dans le sens, mais qui sont féminins dans l'oral. À l'oral. C'est pour ça que tu vois, on a dit l'avri. Est-ce que l'avri, c'est l'oral. لفظي il est mu'annath, il est féminin, du genre féminin, parce que c'est aminatu, t'es marbouta. Et ma'nawi, parce que Aïcha, c'est pas utilisé pour quelqu'un qui est un homme, tu peux appeler un homme Aïcha. Et t'en as des autres, c'est juste quoi? Ma'nawi fa hasab, yani fa hasab juste, yani faqat, hasab, faqat. Je vous ai mis fa hasab, vous donnez de, du vocabulaire, t'as même? Bas. Ah, bas. Faqat. Faqat, seulement. Chouf? Je vais regarder. Zainab, c'est utilisé pour quoi? Pour un homme ou une femme? Pour une femme. Est-ce qu'il se finit par un thème argentin? Non. Donc on dit c'est un mu'annath ma'nawi. Il est utilisé dans le sens pour quoi? Pour une femme. Non, pas ma'nawi. Ma'nawi. Le premier, c'est le premier. Non. Le premier, c'est l'ordi ou ma'nawi. Les deux. L'ordi ma'nawi, je peux dire comme ça. L'ordi ma'nawi, attention. À l'oral, il est féminin. Et le sens qu'il a, pour lequel il l'a employé, c'est féminin aussi. Ma'nawi, c'est à l'oral. Non, l'ordi. Ah, le sens. Ma'na, c'est le sens. Zainab, mu'an'alam, mu'annath. Ma'nawi, ou l'ordi. Ou l'ordi, ma'nawi. Zainab, c'est. Ma'nawi, fahasab. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tamar. On n'a pas dit Zainabatou. Zainabatou. On aura dit Zainabatou, maintenant, khalas. L'ordi, parce qu'il finit par terme argentin, ma'nawi, parce qu'il est employé pour le genre féminin. Amman Zainab, ici, il est alam mu'annath ma'nawi. Parce qu'il est juste employé, il est employé pour un genre féminin, mais il n'y a pas une alama qui nous prouve qu'il est féminin. Ah ouais, ouais. On va expliquer. Là, c'est juste une introduction. Déjà, on essaie de comprendre, parce que lui, il nous a mis des prénoms. Parce que le fait qu'il mette Aminatou Zainab, c'est fait exprès. C'est pour que tu saches qu'il y a des. Le mu'annath, il y a un qasim la qismi. Tu peux trouver avec une terminaison finissant par un témarbouta, ou tu peux trouver avec une terminaison se finissant pas par un témarbouta. Il veut dire, en gros, c'est pas tout féminin. Il veut dire, dans le sens, les noms propres, féminins, c'est pas forcément qu'ils se finissent tous par un témarbouta. C'est pour ça qu'il a mis des exemples comme ça. Voilà, Alain, tu vois. Zainab, Amina. Afin que tu saches qu'il y a un féminin comme ça et un féminin dans ce sens-là. Même tome. Ça, en fait, pourquoi je suis venu ramener ça? Pour expliquer déjà les exemples qu'il a ramenés. Parce que le fait qu'il ramène ces exemples comme ça, c'est que c'est voulu. Il veut chercher, il recherche quelque chose par rapport à ça. J'efface. Maintenant qu'on a compris, on a vu à peu près la définition qui se rapporte au alam al-mu'annath, il faut savoir que ce alam, il y a un hukm. Tamam? Al-mu'annath, al-alam al-mu'annath, حكم العالم المؤنث أنه لا ينون آخره. C'est-à-dire le jugement quant à la terminaison du عالم المؤنث, c'est-à-dire le nom propre féminin, il prend pas de tanwin à la fin. لا ينون آخره, il prend pas de tanwin à la fin. Tu peux pas dire Aminatun, Aishatun, Khadijatun. Là, son حكم il est khas. À partir du moment que c'est un prénom, un nom propre, et qu'il est féminin. Donc deux règles, deux conditions. Awalan, c'est un nom, nom propre. Et deuxièmement, il est féminin. À partir du moment que ces deux conditions sont requises, halas, on ne prend pas de témoin à la fin. Comme on dit, hukm al-mu'annath, al-alam al-mu'annath, annahu la yunawwan. Il ne prend pas de témoin. La yunawwan akhiruhu, ay, dans un ta'bir yani beaucoup plus simple, annahu mamnu'un min al-tanwin. Mamnou'un min al-tanwin. On n'a pas besoin de mamnou'un min al-tanwin fi akhirihi, parce que le tanwin ne peut venir qu'à la fin. Annahu mamnou'un min al-tanwin. Il ne prend pas de tanwin. Mamnou'un, yani man'a. C'est interdit qu'il prenne le tanwin. Mamnou'un. Tu ne peux pas dire aminatun. Asm khata. Aminatun. Mathalan baqara. Tu dis quoi? Baqaratun. Ça? On prend l'exemple de baqara. On va tester la compréhension, inshallah. Si vous avez bien compris. Baqara. On dit baqaratun ou baqaratu. Féminin. Baqaratu. Baqaratu. Et toi? C'est féminin, baqara, bien sûr. Pourquoi c'est féminin? Non, pourquoi? Non. Une maison, elle bait. Attention. Baqaratun. Toi, tu dis baqaratun. Limada. Parce que c'est féminin. C'est féminin. C'est quoi le dalil qui est féminin? Ma connaissance. Comment tu peux savoir? Non. Pas de connaissance. T'es marbouta. Baqara. Il a dit baqara. Toi, tu dis tout. Pourquoi bien? T'es marbouta. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas défini, c'est pour ça. Non, non. Ça, on définit ou pas? On parle de la kalima qui est indéfinie. Batara, tu dis Bakaratun ou Bakaratun? Moi, je dis Bakaratun. Moi aussi. Non. Ça, ah, mon cher, lorsque tu dis Mu'allal, yani c'est justifié. Pourquoi tu dis Bakaratun? Et tu dis pas Bakaratun? Il est indéfini, frère. Pourquoi tu ne mets pas un terme? Alors. T'as dit que le féminin, c'est pour la plupart, en fait. Il y a des exceptions comme Zeynep. Mm. Ça se termine toujours par vous. Et alors? Et celui-là? Celui-là, comme je sais pas si. Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est pas un hadith. C'est pas un isme. Même s'il est féminin, est-ce que c'est un nom propre? Non. C'est un nom commun. On peut dire la vache parmi les vaches. Alors, c'est une vache. Non, Aslan, tu n'appelles pas quelqu'un un Bakara. C'est pas un prénom. À moins que tu l'insultes, mais c'est, après c'est une insulte, c'est plus un prénom. T'as tu peux appeler quelqu'un Bakara. T'as donc, vous l'avez dit, il y a deux conditions. Un, que ce soit un prénom, nom propre. Thanian, qui soit féminin. Là, il a rempli une condition. C'est qu'il est féminin. Bakaratun. Puisque c'est quoi le dalil t'es marbouta fi akhir. Il est féminin. Là, qui est-ce que c'est un nom propre? Là. Donc, Bakaratun. T'as bien? Fatima. Fatima. Fatima. Fatima ou Fatima? Comment ça? Nom propre. Féminin. Féminin. Donc tu dis Fatima? Fatima? Non. Donc je répète. La yudawwal al-alam qa'idah wa tanbih. La yudawwal al-alam al-mu'annath illa bishartin. Le nom propre. Féminin, il prendra pas de tenwin qu'à partir de conditions. Awal, an yakuna alaman, il faut qu'il soit un nom propre. Thaniyan, an yakuna mu'annath. Tamam? Mithaluhu, Fatima. C'est un prénom, et le mu'annath. Tamam? Maryam. C'est un prénom? Féminin, mais il n'y a pas de tamam. Mais il est féminin. Il est féminin. Féminin, c'est un nom propre. C'est mu'annath. C'est un prénom, c'est mu'annath. Bakara. C'est pas mort. C'est mort. Même si c'est féminin. Mais il faut connaître aussi. Shajara. Hein? Shajara. C'est quoi ça? L'arbre. L'arbre. Shajara. C'est pas un nom. Shajara, tu ne diras pas Shajara. Même si c'est féminin, mais qui ne sait pas un nom propre. C'est un nom. En Afrique, à certains pays. Attention à ce que tu dis. Aïcha. Parce que c'est des noha, c'est des grammaires. Hein? Ouais, c'est ça. Ils se couvrent. Fatima, Mamadou. Fatima. Mamadou, c'est bon. Hein? Mamadou, là, c'est Mohamed. Ibrahima. Ibrahima. C'est même. Il n'hésite pas de se bourrer, ce genre d'Afrique. Ibrahima. Ça dirait par quoi ça s'est dit? Non, c'est une faute, Hata. Ibrahima, c'est Ibrahima. Il n'y a rien qui. Ce qu'elle a, on va le voir, c'est que la terminaison se finit par un dhamma, il est marfa. À part si jamais il y a un amel, c'est-à-dire qu'une chose qui est venue et qui va changer la fin du mot. C'est-à-dire si jamais il n'y a pas une cause que matanan al-bayt. Pourquoi on n'a pas commencé, on a dit al-bayti? Non, al-bayt, l'as, comme ça les arabes, parce qu'il n'y a aucune cause qui fait qui va changer la fin du mot, il laisse avec, il y a un marfa, ils appellent ça. Dhamma, dhammatay, ou ma, naba, anahuma. Marfour, ça veut dire quoi? Marfour, c'est ce qui se termine par Dhamma, Dhammatin, ou Ma, Naba, Anahuma, ou Zumia, une chose qui va remplacer. Dhamma, Dhammatin. À part si après, s'il y a un Hamel qui rentre, une chose qui va changer la fin du mot, khalas, il va changer. Maintenant, le Bait, Fil Bait. Tu dis pas Fil Bait, Fil Bait. Pourquoi? Parce que le Fil est rentré. Ça a été une cause qui a changé la fin du mot. Mais s'il n'y a rien, maintenant, Al Bait. Il n'y a rien qui est venu avant qui a changé. Al Bait. Donc, ça veut dire que là, Ibrahim. Il n'y a rien qui est venu pour changer. Pourquoi ils ont dit Ibrahima? Il n'y a rien qui a changé. C'est une khatahat. C'est Ibrahim. Ou si vraiment ils auraient voulu prononcer la fin du mot, ils auraient dit déjà Ibrahim. Mais c'est Ibrahim. Ça va? Donc vas-y, on va vous mettre les exercices pour demain. Parce qu'on va tenter de ça, Inch'Allah. Donc les exercices. Donc, Aina sa'atu, as-sa'a. C'est quoi, c'est l'heure? C'est l'heure. C'est la montre plutôt, pas c'est l'heure. على اليد على اليد تمام اين الكتاب معروف تمام الكتاب معروف عندكم اين محمد معروف اين الساعه الساعه سلام الله لا dans le sens سلام parce que اين الساعه si tu veux parler de la chose qui est معنوي le temps on peut pas le temps c'est pas une chose qui par laquelle on décrit un lieu c'est pas un espace comme dit temporel c'est un autre truc as-sa'a c'est l'heure c'est, je veux dire c'est la montre allez la montre ah c'est pas le les 24 heures de, dans la journée hein? Parce que ça c'est pas une chose qui est un endroit ah pardon tamam ayna yasirun c'est un prénom ayna aminatu ayna n'am aminatu fil ghurfa donc comme on a pu le voir est-ce que aminatu fil ghurfa est-ce qu'elle est dans l'enfant la chambre aminatu fil ghurfa tamam ayasirun fil matbakh معروف من في الغرفه ومن في الحمام الحمام là il a voulu dire wallah alam c'est les WC mais normalement les WC tu nous appelles ça ayna justement ou man fi al kanif amma al hammam al kanif amma al marhad tu veux dire al marhad c'est tout un ensemble c'est une, là où tu trouves la salle je veux dire le lavabo avec la baignoire tu vois tout cet ensemble là al marhad comme chez moi. Amma le hammam, c'est le, comment on dit en français, le hammam. Mada ala al maktabi. Mada, ma, c'est ma'ruf. Waza, ismi shahra, en gros. Mada ala al maktabi. Il pose une question, en même temps, il démontre la chose qui est dessus. Donc, mada ala al maktab. Maktab, le. ماذا على السرير للي معروف deuxième exercice il dit اقرا واكتب مع الضبط اواخر الكلمه لي puis écris les mots en mettant la bonne terminaison تمام est-ce qu'il y a du nouveau vocabulaire dedans المدرسه il y a pas après il dit اقرا واكتب troisième exercice donc faites le deuxième exercice il y a pas de nouveau vocabulaire ça qu'est-ce qui est en dessous اقرا واكتب تمام كذلك مع اواخر الكلمه donc là je crois qu'il y a un nouveau vocabulaire c'est il dit aïna al waraq où est la feuille al waraq la feuille al waraq tamam al jami'a c'est l'université al jami'a c'est l'université tamam al dukkan ma'rouf il n'y a pas de vocabulaire à part al waraq al jami'a al jami'a l'université al waraq la feuille وكن شاء الله أسكن تندسا سبحانك وبحمدك نستغفر الله مع تحية دماج أفاف.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين